Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition à langue française et de la mi-journée. Et cette édition va s'articuler sur un seul point, un rapport avec les coopératives et collinaires, comment ces sociétés de coopératives ont travaillé dans ce journal. Et vous entendrez les points de vue de certains présidents de partis politiques et la réaction de l'ANACOOP. Cette édition est assurée par la mise en onde de François Kimana. À la présentation, vous êtes avec Jean-Marie Mayonga. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bonjour. Deux kiosques appartiennent aujourd'hui à la coopérative Sangwe Wienzi située au quartier 7 et ils sont effectués différentes activités dont le commerce. Le vice-président de cette coopérative, Eric Ndaihaya, précise qu'ils ont acheté ces places grâce au crédit octroyé par l'État, de 10 millions il y a à peu près une année et demie. Il dit que les membres de cette coopérative essaient de bien gérer ces fonds malgré leur projet élevé à 52 millions de francs burundais. Suivez-les. Concrètement, nous avons acheté des kiosques. Et dans ces deux kiosques, l'un, c'est une boutique alimentaire qui est remplie de produits. Et nous avons également l'huile de palme. Nous jouons un rôle d'engrossiste en même temps détaillant. Nous ne louons plus là où nous travaillons. C'est un pas déjà franchi. Est-ce que tous ces 30 membres ont-ils un bénéfice dans cette coopérative? Le bénéfice est énorme car chaque membre a droit de recevoir des produits sous forme de crédit. Par exemple, lors de la rentrée scolaire, celui qui veut peut venir prendre des cahiers pour ses enfants et qu'il paye progressivement. Et au moment des prix promotionnels, les prioritaires sont les membres de notre coopérative. Chaque deux mois, on se rencontre pour échanger sur des cas par rapport au développement de notre coopérative ou par rapport à nos vies quotidiennes. S'il y a à assister d'un membre ou l'un ou l'autre, et nous l'assistons. Ce que nous déplorons, nous avons un projet de 52 millions et on nous a accordé 10 millions. Vous avez qu'il y a un déficit d'au moins 42 millions. Mais, qu'à cela étant, nous espérons que quand l'ANACOOP ou le FONIC vient pour nous demander de rembourser la dette, nous sommes prêts à rembourser le crédit. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on donne la deuxième tranche de 10 millions. Dans ce cas, nous aurons l'occasion de continuer nos travaux étant à l'aise. Votre coopérative est-elle inclusive ou bien y a-t-il des exigences pour être membre? Chez nous, les portes sont toujours ouvertes. Ce que nous exigeons uniquement, c'est capital initial pour chaque membre, c'est de 37 000 francs. Et ça dépendra également d'un jeune où il y a des points qui sont relatifs à ses compétences. Même quand tu viens pour adhérer et que tu nous dises « moi je sais faire ça et cela » et que tu n'as pas de l'argent, nous acceptons votre adhésion sans vous demander même de l'argent. Ceux qui disent qu'il y a de l'exclusion, je dirais non. Dans notre coopérative, il y a de toutes les parties confondues, toutes les catégories confondues sont chez nous. Quittons la mairie de Bujumbura pour nous rendre dans la province de Kayanza où 524 sociétés de coopératives édites et Sangwe de la province de Kayanza travaillent regroupées au sein d'une fédération. Ferdinand Abimana, président de cette coalition, indique que l'objectif de cette fédération n'est autre que l'amélioration du rendement. Pourtant, certaines de ces coopératives souffrent de la gestion obscure des fonds par certains des membres du comité exécutif de la coopérative. L'exemple est celui du président de la coopérative Sangwe de la colline Charatazi, en commune Kabarole, accusé par les membres de la mauvaise gestion d'une somme de 7 millions de francs burundais. Patrick Sengyumbu. Cette fédération des sociétés coopératives dites Sangwe opérant en différentes collines de la province Kayanza est aujourd'hui faite de 524 coopératives qui exercent des activités agropastorales. Ferdinand Abimana, président de cette fédération, indique qu'elle a été mise en place pour améliorer le rendement. Il fait savoir que pour l'agriculture, par exemple, un hangar de multiplication des semences de pommes de terre de qualité et des semences et d'autres produits agricoles est en train d'être mis en place. Concernant le domaine pastoral, des 100% sont déjà disponibles à la porcherie de la Fédération des coopératives Sangwa Kayanza, lesquels sont distribués aux membres de ces coopératives pour multiplier ces animaux, indique Ferdinand Abimana. Bien que la fédération ait déjà franchi ce pas, certains des présidents des coopératives collinaires Sangwa à Kayanza sont acquisés de la gestion obscure des fonds des coopératives. L'exemple est celui de la coopérative collinaire Sangwe à Tcharati en commune Kavarore, dont les membres acquis et l'ancien président récemment destitué de ses fonctions par l'administrateur communal, la marvelisation de 7 millions de 10 millions accordés à la coopérative. Interrogé l'administrateur communal Kavarore à ce sujet, Sangwe Berkiman se dit que les enquêtes en cours montrent que son président de la coopérative Sangwe de Tcharati, Nathanael Stalehe, a prêté cet argent à certains des membres de la coopérative, contrairement à la loi régissant la gestion des fonds des coopératives Sangwe. Cette autorité communale à Kavarore indique que c'est pour cette raison que Stalehe Nathanael a été évincé ce 13 mai de ses fonctions de président de la coopérative et chef de chef collinaire afin de collecter ses fonds de la coopérative et les remettre au compte de cette même coopérative dans un délai ne dépassant pas une semaine. Depuis Kayanza, Patrick Kensengiumva pour la radio Isanganilo. Merci à toi Patrick Kensengiumva pour toujours cette édition. Dans la province de Rumonge, la coopérative Sangwe du quartier Nkayamba, c'est dans la ville de Rumonge, est tombée en faillite et ce responsable a pris l'orage selon certains parmi ses membres. Ils indiquent que la mauvaise gouvernance ayant caractérisé ses anciens responsables est à l'origine de cette situation. Alors que les caisses ont été trouvées vides et le nouveau responsable de cette coopérative trouve difficile le remboursement de ce prêt du gouvernement burundais, Jean-Pierre Misago. La crise financière de la coopérative Sangwe sur la colline Nkayamba dans la ville de Rumonge trouve ses origines dans la mauvaise gouvernance ayant caractérisé ses anciens dirigeants. Ces membres déclarent que la gestion financière de cette coopérative était dans les mains d'un groupe restreint et celui ou celle qui osait exiger une gestion transparente des fonds était directement exclu de la liste des membres. Faustin Bigirimana, ancien responsable de cette coopérative, a disparu tout au début des enquêtes de l'inspection communale de ces coopératives, selon certains des membres de cette coopérative. Et la direction de cette coopérative a été confiée à Aminadab Nilanyibagira. Son nouveau responsable de Sangwe Nkayamba estime que le remboursement des 10 millions de crédits octroyés par le gouvernement burundais sera difficile vu que les caisses ont été trouvées vides. Au moment où le nouveau responsable de Sangwe Nkayamba voudrait l'exclusion dans la nouvelle équipe dirigeante de cette coopérative de tout membre de l'ancienne équipe afin d'atteindre de meilleures performances, le chef collinaire de Nkayamba estime qu'il n'y a aucune entrave dans le fonctionnement de cette coopérative vu que les anciens membres ne se trouvent que dans le comité de surveillance. Certains parmi ceux-là qui se sont exprimés sur la faillite de cette coopérative disent subir actuellement des actes d'intimidation. Cette coopérative compte 42 membres selon la nouvelle direction. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci à toi Jean-Pierre Misago. Et dans la province de Karusi, certaines de ces coopératives ont connu un pas en avant dans leurs activités où certains ont même reçu des prix par donner les prix qui ont été octroyés par certaines autorités du pays. Le point avec Kararumie Blaise Pascal depuis Karusi. La coopérative Sangwe de la colline Gishikanwa de la commune Bugenyuzi, province Karusi, vient d'être primée au niveau national pour son pas important atteint dans le développement. Cela est confirmé par le coordinateur des coopératives dans la province Karusi, qui indique que cette coopérative sert d'exemple dans les activités d'élevage de porcs. Il informe que cette même coopérative a été classée parmi les trois premières coopératives sangwe qui ont bien évolué dans tout le pays. Une évaluation qui a été faite par l'OFONIC, le Fonds National d'Investissement Communautaire. L'autre coopérative sangwe qui connaît un pas très important dans la province car aussi au niveau du développement, c'est la coopérative de la colline Nyamiyaga de la commune Gihogazi, comme l'indique le directeur provincial d'agriculture, élevage et environnement et le coordinateur des coopératives. Ces deux responsables signalent que cette coopérative s'est fait beaucoup remarquer dans les techniques d'irrigation. Jean-Séverin Sinzobatohana informe que cette coopérative sert de bon exemple dans le pays et travaille sur une superficie de plus de 200 hectares où elle cultive des légumes de plusieurs sortes, du petit pois, les poireaux et les poivrons et d'autres cultures. Cette même coopérative a été aussi primée pour ses activités champêtres. Les deux autorités confirment aussi que sur les 145 collines de la province Karoussi se trouvent des coopératives sangwe qui restent toujours en activité et signalent que toutes ces coopératives sont prêtes pour rembourser les 10 millions qui leur ont été prêtés. Ils signalent également qu'ils ont eu une deuxième tranche de 10 millions et que les activités continuent dans toutes ces coopératives. Pour les coopératives qui n'avançaient pas auparavant, ils signalent qu'ils ont donné des conseils de façon qu'ils ont pu reprendre le pas. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro Journal continue. Le projet d'initier des coopératives collinaires dites sangwe au niveau national n'a pas été bien préparé, même s'il était d'une importance capitale. Selon Kefa Nibiz, président du parti Kodebu, Iragi Ganda Daye, ce politicien trouve que ces coopératives ne sont pas inclusives et propose des mesures d'accompagnement pour que ces coopératives soient efficaces et aient un impact positif sur le développement socio-économique du pays. Suivez Kefa Nibiz au micro d'Evariste Nzikobanyanga. D'abord, le parti Kodebo salue cette initiative du gouvernement de faire un appui direct aux initiatives privées de la population dans la société de développement. Mais quant aux coopératives sangwe, d'abord, nous nous posons la question pourquoi on devrait avoir une coopérative qui s'appelle sangwe. On devrait laisser les gens de chaque colline s'organiser comme ils l'entendent. Donc, dans certaines localités, effectivement, il y a les membres du parti Kodebo qui sont dedans. Dans d'autres, il n'y en a pas, du fait que l'organisation n'était pas beaucoup inclusive au départ. Si vous parlez de l'organisation qui n'était pas inclusive, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Au départ, quand la coopérative sangwe est venue, il se faisait que dans certains endroits, les réunions se faisaient dans les permanences des partis politiques. Il y avait des dirigeants qui disaient « Si vous n'êtes pas de tel parti politique, vous ne pouvez pas adhérer dans notre coopérative. » Jusqu'à maintenant, il y en a certains chefs locaux qui parlent ainsi. Et de plus, ce sont des coopératives qui, d'une façon ou d'une autre, sont laissées à elles-mêmes, à tel point que pas mal de localités, on a trouvé que la production a été faible, voire même nulle, en ce qui est du rendement de ce coopérative. Alors, cette organisation non attirante, cette façon d'adhésion qui était d'une façon ou d'une autre non inclusive a fait que pas mal de gens n'y adhéraient pas, y compris même certains militants du parti Kodebu. Pour arriver sur un impact positif, qu'est-ce qui devrait être fait? D'abord, je pense qu'il faut encore encadrer ces coopératives à ce qu'il y ait des activités qu'ils vont mener pour qu'ils aient la technicité nécessaire. Deuxièmement, il faut un suivi rigoureux de la part des personnalités, des fonctionnaires de l'État qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage et pour qu'ils encadrent mieux ces coopératives. Mais il faut qu'ils soient dotés des moyens nécessaires pour le faire. Troisièmement, au lieu de donner de l'argent, je pense qu'on devrait donner plutôt des intrants ou d'autres outils nécessaires à ces coopératives. Et cela devrait se faire de façon échelonnée, en donnant des tranches. On donne la première tranche, on vérifie qu'elle a été bien utilisée, on donne la seconde. Si la seconde a été bien utilisée, on donne la troisième. Et nous pensons même qu'au lieu de penser une coopérative sur la colline, on devrait faire beaucoup de coopératives pour que les coopératives entrent dans une compétition. Pour que la coopérative qui est mieux organisée, qui montre un bon rendement, bénéficie au gros. Et au sein du parti Prona, trouvez que l'organisation des coopératives n'a pas été bien planifiée pour que tous ces cuvettes y adhèrent. Olivier Ngurunziza, président de son parti, demande au gouvernement qu'une nouvelle organisation de ces coopératives soit planifiée et de corriger les erreurs observées comme la non-adhésion des autres partis politiques. Suivez-les. Au niveau du parti Prona, d'abord, nous encourageons ce programme. Nous soutenons parce que c'est la vision du prince Louis Gwagasore. Dès le début, il a demandé à toute la population burundaise de se mettre ensemble pour travailler afin de développer le pays. Au niveau du parti Prona, nous avons constaté qu'il y a eu d'abord transfert des moyens qui construisaient les écoles et quoi. On les a orientés dans les différentes communes vers les coopératives d'élevage et d'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du parti Prona, nous avons essayé d'analyser dès le début, dans certains coins du pays, nous avons constaté que les coopératives, on a mal formé ça. Et c'était sur la base du parti au pouvoir. Et nous avons par là informé les autorités habilitées pour leur demander de revoir et de comment corriger. Parce que ces fonds, c'est pour tous les Burundais. Mais aussi, dans la réunion que nous avons tenue avec le ministre de l'Intérieur, avec même le président de la République, nous avons demandé à tous les présidents des partis politiques d'abord de sensibiliser leurs membres, afin de participer dans le coopérative, de ne pas s'écarter, mais aussi de revoir, de faire un œil vigilant pour effectivement sensibiliser aux membres des coopératives de ne pas exclure d'autres membres des partis politiques. Et cela, ça a été accepté. Mais le problème est que nos membres, quand ils commencent à aller demander l'adhésion, ils trouvent que le nombre a été atteint. On leur demande de contribuer énormément. Le journal continue. Plus de 1800 sociétés coopératives et collinaires ont eu un gain de plus de 10 millions de francs burundais sur le premier financement. Au regard de plus de 2900 ayant réussi ce financement. Dans un rapport d'activité de l'agence de régulation des sociétés coopératives ANACOP et du Fonds national d'investissement communal FONIC, 230, soit près de 8%, ont eu moins de 5 millions de francs burundais. Roger Ngabirano, directeur en charge de la promotion des sociétés coopératives et d'appui et assistance au sein de l'ANACOP, fait savoir qu'un second financement a été octroyé malgré ce résultat. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Les sociétés coopératives en général au Burundi qui sont enregistrées sont à plus de 10 000 en général. Mais les sociétés coopératives qui ont bénéficié le financement du budget général de l'État et sont au nombre de 2911, c'est-à-dire les sociétés coopératives collinaires, nombre qui correspond donc au nombre de collines. Sur les 2911 sociétés coopératives qui ont reçu le premier financement, vous les suivez régulièrement, vous avez évalué. Quel est votre constat? Nous suivons au quotidien leurs activités. Et avec le FONIC, le Fonds national d'investissement communal, nous avons mené une évaluation des projets de ces sociétés coopératives quant au patrimoine en général de ces sociétés coopératives après financement. Nous avons donc catégorisé ces sociétés coopératives en trois catégories. La catégorie verte qui comprend des sociétés coopératives qui ont un patrimoine de plus de 10 millions, c'est-à-dire qui ont eu gain. Les sociétés coopératives classées en catégorie jaune, c'est-à-dire entre 5 millions et 10 millions de patrimoine. Et les sociétés coopératives qui sont en rouge, c'est-à-dire qui ont moins de 5 millions de patrimoine, de 5 millions de francs burundais. Donc, sur les 2911 sociétés coopératives collinaires, un nombre de 1807 sociétés coopératives, soit 62,07% des sociétés coopératives qui sont dans la catégorie verte, c'est-à-dire qui ont plus de 10 millions. 872 sociétés coopératives, soit 29,95 qui ont entre 5 millions et 10 millions, et 232, soit 7,96, environ 8% qui ont un patrimoine de moins de 5 millions. Vous parlez des 232 sociétés coopératives, la troisième catégorie, qui ont moins de 5 millions de francs burundais. Mais pourtant, ces sociétés coopératives ont reçu un deuxième financement. Une opinion qui dirait qu'il y aurait gaspillage ou une mauvaise utilisation de l'argent du contribuable. Qu'est-ce que vous répondrez à cette opinion ? Premièrement, à cette opinion, je répondrai d'abord qu'il faut que cette opinion sache que ce ne sont pas des sociétés coopératives qui sont proprement vraiment financées. Ce sont des projets de sociétés coopératives qui sont financées. Le premier financement de 10 millions date de fin 2019, alors que le second de 10 millions de francs bondés a été octroyé vers octobre 2021, précision de Fonic. Et l'initiative est d'appuyer les coopératives et collinaires de Bondy est en soi bonne. Sentiment du professeur de l'Université de Bondy dans la faculté des sciences économiques et département de l'économie rurale. Malheureusement, le Patrice Ndimanya trouve que ces coopératives peuvent échouer quand elles dépendent des appuis extérieurs. Selon lui, la responsabilité revient à l'Agence nationale de régulation de coopératives ANACOP de sensibiliser les membres des coopératives sur les lois régissant les coopératives du Burundi. On l'écoute au micro de Vestine Boutoy. Les coopératives, ça se structure au cours des métiers, des professions. Même des ressortissants de plusieurs collines peuvent se mettre ensemble autour d'un projet commun. Donc c'est une adhésion volontaire et ouverte à tous. Ça veut dire qu'une société coopérative qui émerge doit s'assurer qu'elle a tous les moyens, toutes les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs, en dépendant le moins possible de l'extérieur. Et si même il y a des ressources externes, la coopérative doit veiller à ce que ces ressources externes ne remettent pas en cause l'indépendance au niveau des décisions. La loi est claire, elle est là, il revient à l'ANACOP en particulier, de veiller à ce que cette loi et surtout ses principes soient partagés jusqu'au niveau des collines et des sous-collines. Et vous dites que les ressources de chaque coopérative devraient être leurs propres moyens. Cependant, nous avons évoqué l'appui du gouvernement de 10 millions à l'endroit de ces coopératives pour que ces coopératives puissent fonctionner. Est-ce un problème? Que ce soit pour les coopératives et pour d'autres actions, il est recommandable d'éviter de décider à la place des autres. Je reviens sur le principe d'autonomie. Il revient à la coopérative qui, après avoir évalué les ressources, les capacités internes, décide elle-même de mobiliser des ressources à l'extérieur. Et ceux qui ont la mission du commerce de l'argent, ce sont les banques. Donc si ces coopératives sont crédibles, sont solvables, les banques ont des capacités d'évaluer la solvabilité, la crédibilité de ces coopératives et décider de les octroyer en crédit ou en financement ou pas. Sinon, l'expérience a montré que les ressources externes, ce qu'on appelle l'argent froid, ça veut dire où la coopérative ne s'engage pas devant le risque, ces coopératives réussissent rarement. Alors, quelles sont les stratégies pour que ces coopératives deviennent prospères pour enfin atteindre au développement durable? Bon, d'abord, je dois souligner quand même que la loi de 2017 avait la volonté d'inciter les différents corps de métier à mettre les moyens ensemble, à mutualiser les risques. C'est vraiment une loi qui est alignée à des standards régionaux internationaux. Donc, il est utile que l'Agence nationale des coopératives prennent le temps nécessaire pour que le concept de coopérative soit bien compris par tout le monde, depuis le niveau central jusqu'au niveau décentralisé. Voilà, c'est le professeur de l'Université du Burundi, Patrice Ndimanya, qui s'exprimait sur l'initiative d'appuyer les coopératives collinaires. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Comme vous l'avez bien entendu, ce journal a été basé sur un seul point qui était de savoir en rapport avec les activités des sociétés de coopératives collinaires, comment ces coopératives ont fonctionné. Eh bien, encore une fois, merci à vous. Juste après ce journal, c'est la revue régionale. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir, c'est l'endroit où vous vous trouvez. La Somalie a élu Cheikh Hassan Mohamud comme président une deuxième fois, après un sondage marathon impliquant 36 candidats diffusés en direct sur la télévision d'État. Les parlementaires ont compté 214 voix en faveur de l'ancien président Mohamud, bien plus que le nombre requis pour vaincre le président sortant Mohamed Abdoulaye Mohamed, mieux connu sous le nom de Farmadjo, écrit le journal des Monitas. Des coups de feu de célébration ont éclaté dans la capitale Mogadiscio. Beaucoup espéraient que le vote tirerait un trait sur une crise politique qui a duré plus d'un an après la fin du mandat de Farmadjo en février 2021 sans élection. Mohamud, qui était auparavant président de 2012 à 2017, a prêté serment peu de temps après le dépouillement du vote et a adopté un ton réconciliant en s'adressant au pays. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a éprouvé une proposition visant à augmenter les salaires de 23,3%, dont 1,59 trillion de shillings seront utilisés pour l'augmentation, lit sur le journal Mwananchi. Un communiqué publié le 14 mai par le directeur des communications du palais présidentiel, Zuhula Yunusu, a déclaré que les propositions faisaient suite à une récente réunion du premier ministre Kassim Majaliwa de Doma. Le communiqué indique que le gouvernement prévoit de dépenser 9,9 trillions de shillings au cours de l'exercice 2022-2023 pour couvrir les salaires de tous les employés. La revue régionale continue. La présidente Samia Suluhu fait pression pour un retour des commerçants et des investisseurs ougandais en Tanzanie avec une foule d'incitations, y compris la réduction des tarifs, l'investissement dans les transports le long du corridor central et la suppression des barrières commerciales qui ont éloigné les entreprises du port de Dar es Salaam, poursuit le quotidien The East African. La présidente Samia, qui était en visite d'État de deux jours en Ouganda la semaine écoulée, a également cherché à consolider la position nouvellement acquise de la Tanzanie en tant que premier exportateur de la région vers Kampala, prenant le relais du Kenya. Elle a déclaré que son administration s'attaquait aux principaux problèmes qui entravent le commerce entre les deux pays. Actualité régionale. En RDC, l'insécurité. L'insécurité à la base de la hausse des prix dans la chefferie d'Obachou dans le territoire d'Obeni. L'association des producteurs agricoles de Vuhimba, une organisation paysanne locale, relève le fait selon lequel l'insécurité dans cette entité est à la base de la rareté et par là de la hausse des prix de certains denrées alimentaires, écrit le journal Okapi. Ce qui provoque aussi certains cas de la malnutrition dans cette région. À ce jour, une grande partie de la chefferie d'Obachou, dans le territoire de Beni, est touchée par l'activisme de groupes armés. Cette situation est souvent à la base d'un déplacement de plusieurs habitats vers des milieux jugés sécurisés. Nombreux de ces déplacés ont abandonné leurs champs pour se concentrer dans la ville de Outembo et d'autres agglomérations. Bouclons cette revue par le journal Taifa Leo qui écrit que le coût de la vie devrait continuer à augmenter après que les prix du pétrole aient atteint 5,50 shillings le litre à partir de dimanche 15 courant. C'est après que l'autorité de régulation du secteur de l'énergie et du pétrole ait annoncé l'augmentation via un communiqué envoyé aux médias samedi soir. L'essence sera vendue à 150,12 shillings le litre à Nairobi. Le diesel sera vendu à 131 shillings le litre. Le prix a augmenté alors que le pays faisait face à de graves pénuries de marchandises, un événement sans précédent dans le pays, conclut le journal Taifa Leo. Et c'est par ici que prend fin cette revue de presse régionale. Merci de l'avoir suivie. Elle vous a été présentée par Moïse Misago et Audrey Akimana. À la prochaine.